La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Les narcisses sont au pouvoir. Depuis plusieurs années, le narcissisme est un sujet qui suscite de nombreux articles dans les médias. Les psychiatres et les psychologues, d'ailleurs, de leur côté, dénoncent le narcissisme ambiant et ses conséquences désastreuses pour leurs patients. Extraverti avec un manque complet d'inhibition et d'empathie, Donald Trump serait la figure parfaite du narcissisme grandiose, comme l'explique la psychiatre Marie-France Hérigoyenne dans un livre donc qui paraît aux éditions de La Découverte et donc simplement intitulé Les Narcisses. Marie-France Hérigoyenne est mon invitée dans un instant pour évoquer justement la place du narcisse dans nos sociétés avec des personnalités qui vont du simple vantard au narcisse pathologique. Nous connaissons tous des narcisses, nous le sommes aussi peut-être un peu nous-mêmes et j'attends dès maintenant vos messages et vos témoignages pour en discuter avec Marie-France Hérigoyenne, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on va parler de la vitesse de l'expansion de l'univers. Oui, on va voir que l'univers s'étend, mais qu'il s'étend à une vitesse accélérée. Et ça pose beaucoup de questions sur la façon dont il est constitué. Et on se retrouve donc dans un instant. Claire Destacan réalise aujourd'hui cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter. Et les narcisses, sujet terriblement contemporain, c'est un objet de réflexion également pour les psychiatres et les psychologues et c'est un livre dont vous êtes l'auteur Marie-France Hérigoyenne. Bonjour. Bonjour. Qui était Narcisse? Tiens, pour faire d'abord un petit rappel de la mythologie grecque. Narcisse était un dieu, un fils de la du dieu Je vous ai posé une colle. Oui, voilà. Vous me posez une colle parce que le vide s'installe. Plus. Mais c'est pas grave. Dites-nous simplement qui il était lui, avec évidemment ce fameux bon, miroir. Narcisse était donc un fils de Dieu qui était tellement imbu de lui-même que il séduisait beaucoup, mais il renvoyait tous ses prétendants ou prétendantes. Et du coup, là, en particulier, il a beaucoup fait souffrir la déesse Écho, qui d'ailleurs, à la suite de ça, est allée errer dans les vallons en répétant les derniers mots de chaque phrase. Et la déesse de la vengeance a voulu justement le punir de sa dureté et l'a amené près d'une source où où il s'est regardé, il est tombé amoureux de son image. C'est ça. Et il est resté figé là. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est, il y a plusieurs versions, si il est tombé amoureux de lui-même, sachant que c'était lui-même, ou bien s'il a pris cette image pour quelqu'un d'autre. Oui. Il n'empêche qu'il en a oublié de manger, de boire, et qu'il est mort sur le bord de cet étang. De trop s'admirer alors. Voilà. Ouais. Et du coup, à la place, a poussé une fleur, justement, le narcisse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer tout un ouvrage, justement, au narcisse contemporain? Alors, à la suite de mon premier livre sur le harcèlement moral, beaucoup de personnes avaient repéré cette notion de pervers narcissique. À la suite de ça, on a un peu trop mis on a un peu trop parlé des pervers narcissiques, considérant que chaque personne qui prenait un peu trop de place ou qui était un peu trop dure ou un peu arrogante pouvait être un pervers narcissique. Ouais, c'est passé dans le langage courant quasiment. C'est passé dans le langage courant. C'est une réalité clinique, mais c'est pas si fréquent. Et donc, j'ai voulu nuancer un peu cette notion en parlant des différentes formes de narcissisme. Oui, dont le mégalo, par exemple, qui incarne aussi très bien une des figures du narcissisme. Alors, les narcissiques sont des gens qui sont mégalos au fond d'eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Alors, après, il y a différentes formes de narcisses. Il y a les narcissiques grandioses, comme Donald Trump, qui sont arrogants, toujours au premier plan, et qui mentent, qui trichent, et qui ne doutent de rien. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des narcisses plus une notion un petit peu plus complexe, qui sont les narcisses vulnérables, ouais. Qui sont alors que les premiers n'ont pas honte d'être ce qu'ils sont. Ouais. Et qu'ils ne doutent de rien. Les seconds ont peut-être plus ou moins conscience qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'image qu'ils ouais. aimeraient donner. François Hollande, narcisse vulnérable, puisque vous le citez justement. Oui, j'ai cité en comparaison de Donald Trump. Hein. J'ai cité un certain nombre de, ouais. de politiques pour dire que les politiques sont forcément narcissiques, ouais. parce que sinon on fait pas ce job. Absolument. Mais certains le sont d'une manière plus visible. Je pense à Sarkozy. Par exemple, mm-hmm. ça se repérait, il parlait beaucoup, etc. Mais Donald Trump étant, lui, la figure la plus caricaturale, mais tous les autres le sont d'une façon peut-être moins pathologique et moins visible. On va y revenir hein, dans un instant ensemble, puisque vous évoquez une véritable épidémie de narcissisme dans notre société. On va mieux comprendre justement à quoi correspond d'un côté cette pathologie du narcissisme pour en repérer les dérives, et puis de l'autre, un narcissisme plus normal, on pourrait dire les choses comme ça. Et on se retrouve bien sûr avec les messages et les témoignages des auditeurs qui nous retrouvent sur franceinter.fr. Marie-France Irigoyen, à tout de suite. Tout au long du XXe siècle, les télescopes nous ont livré des images provenant d'au-delà de notre planète, d'au-delà de notre galaxie, nous dévoilant des phénomènes qui dépassent notre imagination. Quant à la question du destin ultime de notre univers, elle reste encore en suspens. L'expansion de l'univers est-elle infinie ? Un extrait du documentaire « L'expansion de l'univers, justement, est-elle infinie » d'Olivier Twinch. Et Peter Jones, aujourd'hui, à la une de la science, Héloïse, parce que la question de l'expansion de l'univers fait l'objet d'une publication scientifique très importante. Oui, Mathieu, une étude américaine revient sur les mesures de la vitesse de cette expansion. L'astrophysicien Adam Riess, le prix Nobel de physique de 2011, et son équipe ont utilisé le télescope spatial Hubble avec des techniques novatrices et d'une très grande précision, et pour pas d'erreur possible, l'univers s'étire vite, plus vite que ce que l'on croyait. L'étude est publiée dans la revue The Astrophysical Journal. David Elbaz est avec nous au téléphone pour revenir sur ces données et nous expliquer ce que ça pourrait bien changer. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA. Alors, rappelez-nous déjà un peu les fondamentaux. Donc, l'univers est en expansion et ça, on le sait depuis un petit moment maintenant. Oui, oui. Alors d'ailleurs, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, vous savez, Freud, dans son introduction à la psychanalyse, parlait de blessures narcissiques pour dire que l'homme, quand il a découvert qu'il n'était pas au centre du monde. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que même la matière dont on est fait, finalement, ne serait que quelques pourcents de ce qui fait l'univers, et c'est un peu ça qui est au cœur de cet article. Donc il faut savoir que déjà en 1912, une astronome américaine qui s'appelle Henrietta Leavitt, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui a découvert une loi qui est fondamentale parce qu'elle nous a permis de mesurer les distances dans l'univers. Elle s'est aperçue qu'il y avait à peu près un millier d'étoiles dans le grand nuage de Magellan, une galaxie près de nous, qui pulsaient comme des phares avec un rythme qui varie en fonction de leur puissance lumineuse. Ça a permis, cette loi de Leavitt, à Edwin Hubble de mesurer la distance de ce qu'on appelait des nébuleuses dans l'univers et qui se sont révélées être d'autres univers qu'on appelle aujourd'hui des galaxies. Et en 1929, Hubble a publié la fameuse loi de Hubble qui montre que ces galaxies, ces autres mini-univers, s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont éloignées de nous. En clair, l'univers est en expansion depuis 13,8 milliards d'années. À la suite d'une explosion, le fameux Big Bang. Donc c'est cette expansion-là qui est au cœur de cet article. Donc cette vitesse d'expansion, alors, il ne faut pas l'imaginer comme régulière, elle varie énormément en fonction de l'environnement. Voilà, alors c'est ça qui est la clé. C'est-à-dire qu'à la fin, on savait que la gravité faisait que les galaxies s'attiraient. À la fin des années 90, deux équipes qui étaient en compétition ont réussi à mesurer l'effet de la gravité qui ralentissait l'expansion de l'univers qui avait été engendrée par le Big Bang. Et puis, ils se sont ensuite aperçus, en 99, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y a environ 6 milliards d'années, l'expansion s'est mise à accélérer. Et là, c'est vraiment troublant. Hein. Imaginez que vous donnez un coup de pied dans un ballon, le ballon monte, redescend, mais avant d'arriver au sol, il repart vers le ciel et il disparaît. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a 6 milliards d'années, l'expansion a repris, un peu comme si le Big Bang reprenait. Et c'est ça qui a troublé toute la communauté scientifique. Voilà. Alors, ce nouvel article, qu'est-ce qu'il apporte exactement ? Parce que, comme vous disiez, ça fait longtemps qu'on mesure la vitesse d'expansion de l'univers. Qu'est-ce que nous disent les auteurs ? Alors voilà, donc là, dans ce nouvel article, on est vraiment dans ce qu'on appelle la cosmologie de haute précision, parce que il y a une tension entre ce qui a été mesuré avec deux techniques différentes, c'est-à-dire que la vitesse avec laquelle l'expansion de l'univers se produit n'est pas la même selon que l'on mesure l'univers près de nous ou loin de nous. Et l'univers a une expansion qui a accéléré, qui a ralenti puis accéléré, mais de deux manières complètement différentes. Alors, dans cette étude, ils ont voulu augmenter la précision pour savoir si c'était des incertitudes dans les mesures ou si c'était qu'il fallait complètement revoir notre compréhension de l'univers. Donc pour ça, ils ont repris le grand nuage de Magellan, 70 étoiles pulsantes qui étaient étudiées par Henrietta Leavitt au début du XXe siècle, mais cette fois avec le télescope spatial Hubble. Et ils ont réussi à améliorer leurs mesures pour avoir un taux d'expansion de l'univers mesuré à 1,9% près. En d'autres termes, aujourd'hui, on est vraiment sûr que le taux qui est mesuré par cette étude est vraiment très très très finement mesuré. Alors cette différence, elle est très très importante, cette différence de mesure ? Alors, la différence qu'il y a entre les deux études est d'environ 9%. En d'autres termes, si vous prenez deux galaxies qui sont éloignées de 3 millions d'années-lumière, bon, c'est pas mal, hein, mais oui. Chaque seconde, selon une première étude, elle s'éloigne de 74 km. Ça, c'est l'étude de l'univers lointain. Et puis cette étude-là, qui utilise des explosions d'étoiles pour mesurer, pour arpenter l'univers, celle-ci, qui a été calibrée sur ces étoiles pulsantes, eh bien, voit 67 au lieu de 74. C'est un écart d'à peu près 10%. C'est pas grand-chose, mais la précision des mesures dans les deux cas est telle que la probabilité que la différence vienne d'une incertitude des mesures est de moins de 1 pour 100 000. Et c'est petit 10%. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Adam Riess, qui est celui qui vient de faire cette mesure avec son équipe qui a eu le prix Nobel, il a appelé son équipe Shoes, ce qui veut dire chaussure en anglais. Alors, c'est l'acronyme pour dire Supernovae Edge Zero for the Equation of State, mais en d'autres termes, il vient de mettre le pied, vraiment, les pieds dans le cas avec son équipe Shoes, et ça montre aussi que les prix Nobel ne manquent pas d'humour, parce que là, vraiment, il est en train de dire, les gars, il va falloir réviser votre copie parce que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Ça voudrait dire que ce qu'on croyait savoir sur l'univers n'est pas vrai, finalement, il n'est pas fait comme on le pensait ? Alors, ça veut dire qu'il est vraiment en train de s'étendre de plus en plus vite, mais le candidat privilégié qu'on a jusqu'à présent, c'est l'énergie du vide quantique. C'est cette énergie qui vient du fait qu'on ne peut jamais dire qu'il y a zéro énergie où que ce soit dans l'univers. Le problème, c'est que si on se base sur ce qu'on connaît du Big Bang, et puis qu'on suppose que c'est une énergie du vide quantique qui est responsable de cette accélération de l'expansion de l'univers, eh bien, on s'attendrait à une accélération qui serait beaucoup plus rapide que celle qu'on voit effectivement. L'univers accélère beaucoup trop vite. Et donc, on se demande si la nature de ce qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite n'est pas autre chose que cette énergie du vide. Mais ce serait quoi cette autre chose, alors, David Elbaz ? Alors voilà. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Ouais. C'est ça, c'est une très bonne question. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions pour savoir s'il ne faut pas changer la théorie de la relativité générale d'Einstein. Seulement, des preuves arrivent tous les jours. Qu'elle est très solide. Cette théorie, bah oui. Qu'elle est très solide. Donc, on se demande si ce n'est pas un effet de la matière noire, par exemple, qui est une autre composante qui pourrait interagir un peu avec la matière classique et puis changer un peu les choses. Et puis, il y a une autre possibilité que moi, j'affectionne particulièrement, c'est le fait que il est possible que, tout à l'heure, j'ai dit, on n'est pas au centre du monde. Avec Copernic, on s'est rendu compte qu'on n'était pas au centre du monde, et depuis, on se dit qu'on n'occupe pas une place particulière dans l'univers. Mais c'est peut-être faux. En fait, on est peut-être dans une région de l'univers qui est un petit peu différente des autres. Et que, finalement, le taux d'expansion de l'univers ne serait pas exactement le même partout. À ce moment-là, la mesure qui a été faite par Adam Riess récemment serait correcte, mais elle ne serait pas représentative de ce qui se passe à l'échelle totale de l'univers. C'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin l'illusion du troisième type. C'est un certain type d'illusion qui vient de notre propre point de vue. C'est une possibilité que j'aime bien parce qu'on s'est rendu compte en étudiant les galaxies autour de nous qu'on était effectivement dans une région avec un peu moins de galaxies qu'ailleurs. Donc on serait au centre d'une bulle que les astronomes ont appelée la Hubble Bubble. La bulle Hubble, Hubble Bubble. Très bien, ben on aime beaucoup et Merci. C'est de la matière à réflexion justement. Votre livre, c'est À la recherche de l'univers invisible, David Elbaz. Et il est sorti aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être passé par la Lune de la Science et Héloïse, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, c'était peut-être un faux espoir. Les preuves de ce qui semble être la première lune jamais découverte en dehors de notre système solaire s'évaporent. À la fin de l'été 2017, deux astrophysiciens de l'Université Columbia avaient annoncé la détection probable de la toute première exolune. L'objet devait se trouver en orbite autour de Kepler-1625b, une exoplanète légèrement plus grosse que Jupiter, qui se trouve à 4000 années-lumière de notre système solaire. Eh bien, de nouvelles analyses de données obtenues par les télescopes Kepler et Hubble laissent penser que le phénomène observé serait un phénomène statistique. C'est la deuxième fois que l'espoir de découvrir une exolune ne résiste pas à un examen plus approfondi des données. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la consommation d'alcool ne baisse plus en France. L'Académie nationale de médecine a réagi à la nouvelle dans un communiqué, estimant qu'il s'agit là d'une défaite majeure pour la santé publique. Elle pointe du doigt un système politique influencé par un lobby alcoolier extrêmement puissant. Toujours selon l'Académie, le lobby de l'alcool parvient à retarder les mesures de santé publique nécessaires et à maintenir la consommation d'alcool en France à un niveau, je cite, inacceptable. 30 000 Français, 11 000 Françaises meurent chaque année de la consommation d'alcool. Et puis les glaciers pourraient disparaître complètement de près de la moitié des sites classés au patrimoine mondial d'ici la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. C'est une étude publiée hier par l'Union internationale pour la conservation de la nature qui nous l'apprend. Les auteurs ont dressé le premier inventaire des glaciers situés sur des sites du patrimoine mondial. Il en compte 19 000, soit 9% des glaciers de la planète. Certains de ces glaciers figurent parmi les plus emblématiques du monde, comme dans les Alpes suisses, l'Himalaya ou le Groenland. Allez, les narcisses sont les invités du dossier de la tête au carré dans un instant. Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Tout ne meurt pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. C'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Les mêmes désirs à faire naître avant de tout faire disparaître aux couleurs tristes des maisons. Dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners. Nous avons tous ce vide immense, ce sourire pâle à maquiller. Mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Au hasard de nos mains trop lentes à écrire le sens caché de notre histoire. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce qui nous fume. ce qui nous fume. C'était Radio Elvis. La tête au carré, Mathieu Vidard. Marie-France Hérigoyenne, vous êtes avec nous donc cet après-midi au micro de la tête au carré, psychiatre, psychanalyste, victimologue, et vous êtes notre invitée à l'occasion donc de la publication de ce livre « Les Narcisses » qui paraît aux éditions de La Découverte. Et les auditeurs nous rejoignent donc en ce 1er mai en direct avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». L'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ça a été un moment tout à fait saisissant. Vous l'expliquez tout à l'heure, c'est une sorte de triomphe finalement du narcissisme suprême, Marie-France Hérigoyenne, et beaucoup de psychiatres, de psychologues se sont exprimés d'ailleurs hein, au moment de son élection. Oui, avant même les élections, ouais. Des psychiatres américains ont dénoncé son narcissisme pathologique en disant qu'il ne serait pas capable de gouverner un pays tellement il était imbu de lui-même, tellement il s'intéressait pas aux autres. Alors donc les psychiatres ont fait des pétitions. Ouais. Pour obtenir qu'il ne puisse pas se présenter. Une fois qu'il a été élu, ils ont fait d'autres pétitions pour essayer d'aller vers un impeachment. Ouais. Et tout là ça aussi, n'a ça n'a pas abouti. Marché. Ouais. Alors ça n'a pas marché aussi parce qu'il y avait des précédents, puisque auparavant il y avait eu un président, enfin quelqu'un qui s'était présenté pour la présidence et qui avait été dénoncé comme étant pathologique, et les psychiatres avaient donc voulu réagir, et la société américaine, l'American Psychiatric Association, a dit et pareil pour Donald Trump, qu'on ne peut pas apporter un diagnostic sur quelqu'un qu'on n'a pas vu personnellement. Alors les psychiatres ont détourné les choses pour dire on l'a pas vu personnellement, mais on peut le dénoncer comme étant dangereux pour ouais. lui-même et surtout pour les autres. Et on va écouter un sujet justement qui date d'octobre 2017 et qui décrit parfaitement ce que venez de nous dire. We will make America great again. I'm doing this for the people. And we will take back this country for you, and we will make America great again. I'm Donald Trump, and I approve this message. We have a very serious concern. Nous sommes très inquiets sur la santé du président. Pour diagnostiquer Donald Trump, Peter Frankel et ses confrères s'appuient sur ce livre, le guide de référence pour la psychiatrie aux États-Unis. Et là, nous sommes sur le trouble narcissique. Donald Trump serait la parfaite illustration de la page 327 sur les troubles narcissiques. Il dit souvent qu'il a un super cerveau, qu'il est très intelligent et qu'il n'a pas besoin d'écouter les autres. Donald Trump est atteint d'un symptôme bien plus poussé qui n'est pas encore dans ce livre. Ça s'appelle le narcissisme malfaisant. C'est une personnalité narcissique. Mais ça implique aussi un comportement antisocial, agressif et sadique. Vous pensez que c'est la personnalité de Donald Trump ? Oui. On pense que sa façon inhumaine de traiter les gens est le signe d'une maladie mentale. Voilà, Marie-France Hérigoyenne, ils n'y sont pas avec le dos de la cuillère, les psychiatres américains, et pourtant, parce qu'il ne s'est rien passé. Comme quoi, finalement, le narcissisme n'est pas si rédhibitoire dans nos sociétés aujourd'hui. Hein. Je crois que nous, à notre époque, nous avons une tolérance incroyable vis-à-vis du narcissisme des personnes qui sont au pouvoir. Mmh. Pas simplement les dirigeants politiques. Dans le monde du travail aussi. Mais aussi dans le monde du travail, de l'entreprise, où on a quelques narcissistes, beaux spécimens, quelques ouais. beaux spécimens. Et au fond, on se laisse séduire, parce que comme ils se mettent en avant, comme ils sont capables de dire qu'ils sont les plus beaux, les meilleurs, les plus intelligents, qu'ils sont capables de... Ils font des belles annonces. Et finalement, on a envie de les croire. Et on se laisse piéger, malheureusement, un peu vite, sur ce qui est, ouais. Au fond, des belles paroles creuses. Ouais. Et vous dites justement, ça c'est véritablement une dérive de notre monde moderne. Le simple fait de laisser quelqu'un comme Trump accéder à la présidence des États-Unis, ça signe vraiment quelque chose d'un symptôme de la société ? Je crois pour moi que c'est un symptôme de la narcissisation de notre société. Alors, les Américains avaient déjà dénoncé cette narcissisation de la société depuis une vingtaine d'années. Il y a eu même un livre qui parlait d'une épidémie de narcissisme. Et d'ailleurs, Quand on a le DSM, le manuel de classification des maladies mentales dont on parlait, dans ce manuel, quand il a été réactualisé pour faire le DSM-5, ils se sont posés, les Américains se sont posés la question, est-ce que c'est encore une pathologie puisque la moitié de la population est narcissique. Donc, au fond, ce qui apparaît, c'est que notre société a changé, a fait que nous sommes devenus tous plus narcissiques que nos parents, mais aussi que la société telle qu'elle est sélectionne les plus narcissiques pour les mettre au plus haut poste. Oui, ça c'est étonnant quand même, non ? Comment vous l'analysez-vous du point de vue de la clinique, justement, puisque c'est aussi basé sur les patients hein, que vous recevez depuis de longues années maintenant, et alors, qui incarnent aussi cela? Sur le plan de la clinique, quand moi j'ai commencé à exercer en tant que psychiatre, nous recevions des névrosés. Là, du temps de Freud par la suite, la société qui était beaucoup plus contraignante, avec des interdits, construisait des personnalités qui était névrotique. Actuellement, ce que l'on met en avant dans la société, c'est la liberté, l'autonomie, l'intolérance à la frustration. Et au fond, on crée des individus, des personnes, des personnalités qui sont des personnalités narcissiques. Alors, les personnalités narcissiques ne sont pas tous des personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique. Pour que l'on parle d'un trouble de la personnalité, il faut que ce soit avec une telle intensité que ça ait des conséquences pour la personne, mais surtout pour l'entourage. Ouais, et vous faites d'ailleurs la distinction entre les différents traits narcissiques qui peuvent être positifs pour la vie sociale et professionnelle, ou au contraire, pathologiques avec les troubles justement de la personnalité narcissique. On fera la distinction avec vous dans un instant. Mais vraiment, chez vos patients, c'est très clair qu'en quelques décennies, il s'est passé quelque chose et très que clairement. Les personnalités ont profondément changé. Très clairement, on a vu ces changements. Et en plus, ces changements s'accélèrent. Alors, sans doute, j'avais commencé à l'approcher lorsque j'avais publié le livre sur le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, puisque on voyait déjà les dérives dans le monde du travail, ou dans la société, dans le couple, dans la famille, on voyait des dérives narcissiques. Mais ça s'est clairement accentué parce que c'est un monde qui au fond valorise l'image, l'apparence, la réussite, la performance, et on est dans du toujours plus, et ce toujours plus s'accélère. Ouais. Et ça c'est un vrai problème, parce que vous le sentez chez les personnes qui s'expriment, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce problème de performance, ou une sorte de course contre la montre pour être toujours au top et dépasser soi-même ses capacités. Actuellement, nous ne recevons plus tant ou très peu des personnes qui viennent s'interroger sur elles-mêmes, mais beaucoup plus des personnes qui viennent pour qu'on les aide à tenir le coup. Par exemple, ils vont avoir des évaluations aux professionnels et ils ont besoin qu'on les soutienne. Ou bien ils craquent dans le burn-out, ou bien ils se lâchent sur les autres avec du harcèlement. C'est-à-dire, on est dans une société qui s'est durcie, qui est de plus en plus intolérante aux autres, où il y a moins de solidarité et où on est dans le chacun pour soi. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs, s'ils sont tout à fait d'accord avec vous. Ils auront aussi certainement des témoignages à nous proposer sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. When I was a boy, no rooftop on my joy. When I was a child, nowhere, no how, no one, nothing was not made of fire. One, two, three, four, five, six times the charm. Six, six, five, four, three, two, one. say child. No one, nowhere, no how, nothing was not made of fire. One, two, three, four, five, six times the charm. Hello, c'était Kevin Morby. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Le but premier d'un selfie, c'est d'être beau gosse dessus. Il faut bien trouver sa pose selfie aussi. Tu sais, l'angle et la moue où t'es au max de la beauté de ton visage. Tout le monde a travaillé ça pendant des heures. Putain, je suis jamais beau gosse sur les selfies. Alors faut mettre tes atouts en avant aussi. Les mecs musclés montrent leurs pecs ou leurs abdos, les mecs riches leurs thunes ou leurs caisses, les autres... Ils se débrouillent. C'est ça qui est chelou avec cette mode, ça nous rend vraiment narcissiques. Limite bientôt ils vont enlever la caméra de derrière sur les téléphones. Entrez dans une nouvelle ère avec le cellphone. Le cellphone, le cellphone, le cellphone, le cellphone. Le cellphone. Plus de caméra derrière, vous ne pouvez prendre que des selfies. Que des selfies. Tu es le seul à pouvoir te téléphoner. Allô, allô. Ça va, ça va. Bien, et toi? Bien et toi? Donc passez pas trop de temps à vous regarder le nombril. Regardez plutôt celui des autres. Voilà, les selfies, vidéo YouTube d'Hugo, tout seul pour parler des narcisses. Aujourd'hui, avec mon invité Marie-France Irigoyenne et ce livre publié aux éditions de La Découverte. Le selfie ou l'égo-portrait d'ailleurs, comme disent les Québécois, ce qui est un bon terme finalement. Oui, c'est un vrai un terme tout à fait significatif. Au fond, le selfie, c'est exactement... l'équivalent de l'étang dans lequel Narcisse se regardait. Avec un selfie, on ne se regarde pas soi, mais on regarde l'image de soi. Mmh. Et donc, au fond, ce qui importe, ce n'est pas ce que l'on est, mais ce que l'on donne à voir. C'est ce qui est la caractéristique des narcissiques. C'est-à-dire que quand on est narcissique, on se préoccupe de l'impression que l'on donne aux autres, mmh. que vont penser les autres. On se compare en permanence aux autres et on a besoin en permanence de se rehausser aux yeux des autres. C'est-à-dire, on s'en fiche d'être ce que l'on est, mais ce que l'on veut, c'est ce que l'on donne à voir. Ouais, les réseaux sociaux, justement, tous les sites, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont totalement amplifié ce phénomène. C'est peut-être ce qui a changé d'ailleurs aussi chez les patients que vous consultez. Oui, alors les réseaux sociaux ne font que montrer ce qui est un mouvement qui est déjà en place. Mmh. À travers les réseaux sociaux, ce n'est pas soi-même qui apparaît, c'est une image construite. On donne à voir ce que, non seulement ce qu'on pense que les autres veulent voir, mais aussi il y a une sorte de conformité sociale. Il y a ce qu'il faut être pour être bien dans la société. Ouais. Marie-Claire demande d'ailleurs sur franceinter.fr si nous naissons narcissiques ou si on le devient par une certaine éducation. Alors, il y a plusieurs théories sur les racines du narcissisme, et je pense que toutes ces théories sont complémentaires. Si on se base sur la théorie psychanalytique, au fond, on deviendrait narcissique de façon pathologique lors de la la construction du narcissisme sain pendant la première période de la vie. Au fond, quand on est un bébé, on est le centre du monde. Mmh. Et un narcisse pathologique serait resté à ce stade de narcissisme primaire où on attend que les autres viennent vous servir et on fait pas la différence entre soi et le monde extérieur. Mmh. Donc ça, c'est la vision psychanalytique des choses. C'est la vision psychanalytique. Une autre position, c'est que actuellement, beaucoup d'enfants sont élevés comme pour être des prolongements narcissiques de leurs parents. Mmh. C'est-à-dire, les parents ont besoin de se valoriser avec un enfant qui est au-dessus des autres, qui est absolument surdoué, parfait, qui fait plein d'activités, qui parle plusieurs langues, etc. Mmh. Et en même temps, les enfants sont aussi le reflet de la société. Ils sont pas simplement élevés par leurs parents, mais aussi par leur environnement social, les copains, les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, pour compléter tout ça, il y a aussi la société qui est devenue incroyablement plus narcissique. Et ça, c'est quelque chose qui boucle. Parce que la société est narcissique, nos enfants deviennent plus narcissiques, mais comme nos enfants, c'est eux qui vont venir et que ce sont des bons influenceurs, ils vont rendre la société encore plus narcissique. Donc ça boucle. Sabine dit, je connais bien cette pathologie à travers un couple très proche. Le problème, c'est que la personne narcissique a une haute opinion d'elle-même et n'accepte pas de voir une thérapeute pour se soigner. Quelle solution pour le conjoint, les enfants, demande Sabine. Le problème, c'est que les vrais narcisses, ceux qui sont pathologiques, sont dans le déni de leur pathologie et ne se remettent absolument pas en question. Ils ont raison, ce sont les autres qui ont tort. C'est même ce qui caractérise justement leur pathologie. C'est ce qui caractérise leur pathologie. Il y a un clivage, c'est-à-dire à la fois tout ce qui est bien. Ce qui est bien chez l'autre, être introjecté, je m'accapare les qualités de l'autre, et tout ce que je n'ai pas envie de voir de pas bien chez moi, je le projette sur les autres. Donc ce sont les autres qui sont nuls et incompétents et moches ou tout ce que l'on veut, et moi du coup je reste parfait, je reste le meilleur. Frédéric dit, j'ai vécu avec une femme qui paraissait plutôt réservée et modeste, notamment dans la vie sociale, mais peu à peu une rigidité tous azimuts est apparue. Elle était incapable de la moindre transaction, accrochée à ses priorités, à ses choix et à ses goûts. Un ami médecin m'a dit que cela pouvait relever d'un hyper narcissisme. Qu'en pensez-vous, Marie-France Irigoyen ? Oui, alors c'est possible, mais c'est un peu difficile de faire un diagnostic de cette façon. C'est vrai qu'il y a une typologie de narcisses. À côté des narcisses grandioses tels que Donald Trump, il y a aussi des narcisses vulnérables qui sont des personnes qui peuvent être des personnes hyper conformes, hyper adaptées aux premières images, premières impressions, mais qui, au fond, derrière ça, sont persuadés qu'ils sont les meilleurs et qu'ils sont incompris et qu'ils ne supportent pas la moindre critique, la moindre frustration. Et ils ont besoin aussi de ne pas tout ce qui est vécu pour eux comme une fragilité va être projetés sur les autres, comme ils vont se sentir agressés. C'est-à-dire, si on me critique, c'est que on ne m'aime pas, on ne me supporte pas, et donc ils vont éventuellement même devenir violents. Ouais. Thierry nous dit, plutôt que de s'inquiéter de la pathologie de Trump et consorts, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, il serait plus intéressant de se poser la question de l'équilibre mental de leurs électeurs, ne croyez-vous pas ? Ce que je crois, c'est que Donald Trump a su flatter la fragilité narcissique de son électorat. Le narcissisme, c'est aussi une intolérance à l'autre, un refus de l'autre, un refus de l'altérité. Et Trump a réussi à pointer les fragilités des blancs, petits blancs, pauvres américains, mais surtout le manque de culture de Donald Trump fait écho au manque de culture d'un certain nombre de d'Américains, en opposition à, aux New-Yorkais intellectuels ou supposés intellectuels ou plus riches qui étaient incarnés par Obama dans l'opposition. Ouais. Vous écrivez ceci dans la société moderne, l'image l'emporte sur l'analyse et les citoyens attendent d'un chef d'État qu'il soit au-dessus du commun des mortels. C'est ce qu'a appris à ses dépens François Hollande, hein, qui pour se démarquer de Sarkozy, dont le narcissisme exacerbé était devenu insupportable pour nombre de Français, s'était présenté en 2012 comme un président normal. Dans la réalité, Hollande est un narcisse vulnérable avec une estime de soi haute mais instable. Il a une image grandiose de lui-même tout en ayant le sentiment de ne pas être tout à fait à la hauteur de l'envergure du poste. D'autant de sa légitimité, il n'a pas su s'affirmer pendant qu'il était au pouvoir. Il a tenté de restaurer son image après la fin de son quinquennat, s'autorisant des bains de foule alors qu'on n'attendait plus rien de lui. Il mesurait désormais sa popularité à la longueur des files d'attente pour la dédicace de son livre publié en avril 2018. C'est très dur quand même, hein ? Oui, c'est très dur. Je pourrais dire la même chose d'un certain ou des choses à peu près équivalentes pour d'autres politiques, parce que être politique, c'est forcément avoir envie de se mettre au premier plan, ouais. C'est croire qu'on est capable de le faire. Alors, je précise que tous les politiques ne sont pas narcissiques à un point pathologique, mais que quand même ils le sont, on va dire, plus que les autres. Marie demande, vous nous parlez de Trump, mais quelle est votre analyse pour Monsieur Macron? Justement, vous en parlez, hein. Qu'en est-il d'Emmanuel Macron, président depuis mai 2007? Vous dites, il se caractérise par une grande confiance en lui, stable dans la durée, et il est aidé en cela par sa femme Brigitte, qui a expliqué un jour qu'elle vivait avec un dieu. Oui, alors... Macron a effectivement une haute estime de lui, il est stable, donc il est, il ne se remet pas tellement en question, c'est-à-dire que les attaques ou les critiques ne vont pas le déstabiliser complètement, mais au contraire, l'aider à avancer. Mm-hmm. Par contre, étant donné qu'il est dans une position élitiste, il l'a toujours été, je pense qu'il ne se rend absolument pas compte, on l'a vu avec toutes les petites phrases qu'il a pu dire. Parfois très méprisante. Méprisante parce qu'il y a un clivage entre cette élite intellectuelle, politique qui est tellement au-dessus des autres qu'au fond, ils sont complètement coupés du monde quotidien, des gens qui sont, dont il a dit à un moment, il y a ceux qui ne sont rien. Il y a ceux qui sont au pouvoir et il y a ceux qui ne sont rien. Ce sont des phrases extrêmement blessantes et je pense que c'est un des problèmes qu'il a rencontré de ne pas percevoir que il aurait eu besoin de se rapprocher, d'être un petit peu plus à l'écoute des personnes. Alors que vous décrivez un style de gouvernement autoritaire, quasi monarchique d'ailleurs, et un éloignement des Français par un exercice solitaire du pouvoir, justement. Il est là-haut sur son sur son Olympe et au fond les personnes attendent de lui un peu plus de proximité. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, un dernier mot, est quant à lui un narcisse flamboyant à tendance paranoïaque. Convaincu de sa supériorité, il se croit autorisé à insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et comme Donald Trump, d'ailleurs, il voit des complots partout et déteste les journalistes. Oui, on l'a vu lorsqu'il y a eu une perquisition à son domicile, on a vu comment il a réagi. Il s'estime tellement au-dessus que c'était pas possible qu'on puisse aller perquisitionner chez lui. Les Narcisses, Marie-France Irigoyen, vous êtes notre invitée, c'est aux éditions de La Découverte. Je suis déjà partie, fais comme si tu ne m'avais jamais connu. Loin. suis déjà parti. Fais comme si tu ne m'avais jamais connu. Tout est foutu. Si tu crois me voir le soir quelquefois, tu ne voyais pas. Les meilleures choses ont une fin. Les pires aussi, tu comprends bien. Dans ces conditions que je m'en aille. Je suis déjà trop loin. Je suis déjà parti. Fais comme si tu ne m'avais jamais connu. Tout est foutu. Je suis déjà parti. Jamais foutu, non pas non plus. Je suis déjà parti. Taxi Girl et la voix de Daniel Darc. La tête au carré. Sur France Inter. Mais tu fais quoi là? Bah, je retouche ma photo. Mais tu retouches quoi? Elle était très bien comme ça. Ouais, non, il n'y a pas grand chose à changer. Là, faut juste que j'enlève mon bouton sur le front. Je vais lisser un petit peu ma peau. Je vais grossir un peu mes seins. Je vais affiner ma taille. Et puis, bah, je vais juste un peu grossir mes fesses aussi. Mais c'est tout. Ça va, c'est pas grand chose. Ah non, mais là, le décolleté, t'as abusé. On s'en fout, c'est pour les likes. La méchage, je viens de poster une toute nouvelle photo. Allez la commenter et je passerai sur vos profils. Attends, donc là, si je comprends bien, t'es en train de faire une vidéo pour prévenir que tu as posté une nouvelle photo. Bah oui, au cas où il y en a qui l'ont pas vu dans le fil d'actualité, au moins je les préviens dans Instastory, c'est pour eux que je fais ça. Mais attends, avec le nouvel algorithme d'Instagram, il y en a, ils voient même plus mes photos, les pauvres. Donc là, du coup, faut pas que tu me prennes de trop près ni de trop loin. Faut qu'on voit quand même un petit peu le décor et qu'on voit quand même mon rouge à lèvres et la couleur de mes yeux. Ah, celle-là, elle est trop cool. Oh, je suis trop belle dessus. Voilà, les ados et Instagram, vidéo, YouTube, donc pour illustrer notre sujet sur les narcisses avec vous, Marie-France Irigoyen, ce livre paru aux éditions de La Découverte. Justement, il y a des questions sur les adolescents. C'est Romuald qui vous demande si les adolescents ont tendance à être narcissiques et comment leur expliquer pour qu'ils en sortent. C'est oui, la nature même de l'adolescent, non? Les adolescents sont par nature narcissiques. Le problème, c'est que s'ils sont trop sur les réseaux sociaux et on voit que les parents viennent nous consulter pour nous dire que leurs enfants sont accros, dépendants des réseaux sociaux, des selfies. Et certains parents le sont aussi, d'ailleurs. Et certains parents, les pères plus que les mères, d'ailleurs. Oui. Mais bon, et en fait, dans la réalité, je crois qu'il faut simplement les ouvrir, si ça ne les coupe pas du monde extérieur, si ça ne les empêche pas d'avoir des vraies relations, des relations saines avec leurs camarades, c'est pas un problème. Ouais. D'ailleurs, on parle beaucoup d'hommes et de figures masculines, c'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment du mal dominant, ça, le narcissisme. Très peu de femmes sont concernées? Oui, alors il y a beaucoup de recherches qui ont montré qu'effectivement les hommes sont beaucoup plus narcissiques que les femmes. Mmh. Mais il y a différents sous-groupes de narcissisme et les femmes sont à peu près à égalité en ce qui concerne l'image et l'apparence. Par contre, en ce qui concerne le pouvoir, les hommes sont nettement au-dessus. Je tente à penser que c'est lié à notre époque, au fait que jusqu'à présent, c'était les hommes qui avaient le pouvoir et donc qui pouvaient se permettre de dominer. Parce que c'est quand même, il y a quand même un lien avec la domination. Ouais. Et donc, les femmes, au fur et à mesure qu'elles vont avoir des postes de pouvoir, peut-être qu'elles deviendront tout aussi autant narcissique. Mais ouais. Ça, on attend de voir. Justement, vous, Marie-France Sirigoyen, qui êtes spécialiste du harcèlement moral et au travail en particulier, un dirigeant narcissique, ça donne quoi en général avec ses employés ? Alors, un dirigeant narcissique, à première vue, c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant qui va dynamiser l'entreprise et les amener. Alors, ce qu'on a pu étudier, c'est que ça, ils font, ceux qui sont très narcissiques font plus de changements. Sont prêts à prendre beaucoup plus de risques. Ils sont beaucoup plus dans la performance immédiate. Et par contre, sur le long terme, c'est pas forcément positif. Et comme ils prennent beaucoup plus de risques, il y a aussi un risque important de dérapage avec des éventuellement des abus de biens sociaux, éventuellement des tricheries, des arrangements avec la réalité. Et puis le manque d'empathie quand même, parce que c'est aussi une des caractéristiques, vous le disiez tout à l'heure, hein, du narcissique chez un dirigeant vis-à-vis de ses employés, c'est quelque chose qui est catastrophique quand même. C'est catastrophique, mais ça se voit pas tellement. C'est-à-dire que quand on recrute, on choisit beaucoup plus celui qui paraît le plus performant, celui qui va pas avoir trop d'état d'âme, qui va pas hésiter à licencier s'il faut couper les têtes. Souvent, on recrute pour ses qualités, enfin ses défauts qui apparaissent comme des qualités. Et ce n'est que par la suite, quand les dérapages sont trop visibles, que on regrette d'avoir fait ce choix, et que lorsque les dérapages paraissent trop visibles, ou par exemple quand il y a des plaintes pour harcèlement moral. Parce qu'en général, il fait assez peu de cas justement des problèmes de ses employés. L'essentiel, c'est la performance. L'essentiel, c'est le court terme. Et c'est l'apparence. C'est-à-dire, on peut avoir une bonne charte éthique, par exemple. Mais si on voit pas trop les dérapages, c'est pas très grave. Pauline demande sur franceinter.fr, quel peut être le futur d'une société dans un monde fait de narcisses, précisément? Alors, moi, ce que je constate, c'est que ce monde se durcit. On est de plus en plus dans l'individualisme, dans l'isolement, dans la vulnérabilité de ceux qui se sentent laissés pour compte. Parce que je disais que les plus narcissiques sont au pouvoir, mais du coup, tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur peuvent se sentir rester sur le bas-côté et réagir de façon extrême. Alors, moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a actuellement un mouvement de réaction. Aux États-Unis, par exemple, on a vu que Donald Trump étant tellement extrême, des femmes issues de la minorité, plutôt démocrates, ont décidé de se lancer en politique, justement parce qu'elles veulent pas cautionner ça. Ouais. Sur le plan de la vie courante, il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont pas envie de ce monde qui va très vite, de ce monde du travail qui manque de sens, de ce monde du travail, de cette société de consommation du toujours plus, et qui donc sont dans un registre de réaction pour mettre plus de solidarité, plus d'échanges et effectivement moins de performance immédiate. Ouais. Et puis il faut retenir quand même qu'il y a aussi le narcisse sain, hein. On en a peu parlé finalement au cours de cette émission, mais vous faites bien la distinction entre le pathologique et ce narcisse sain qui a besoin tout simplement d'avoir de l'estime de lui-même. Hein. Oui, alors on ne l'a pas dit, le narcissisme en soi c'est pas une pathologie, et le narcissisme sain ça consiste à avoir une bonne image, un amour de soi suffisant pour pouvoir avancer dans la vie, mais tout en ayant un regard critique sur soi-même, et en étant ouvert aux autres et attentif aux autres. Merci beaucoup en tous les cas Marie-France Sirigoyen pour cette discussion ensemble aujourd'hui, micro de la tête au carré. Et donc je renvoie vers cet ouvrage qui est paru il y a quelques semaines à peine, Les Narcisses, et c'est aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.